السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ما زلنا في قراءة الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت للحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وها قد وصلنا إلى الباب الأخير، ولا وهو باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. فلا غاز الله سبحانه وتعالى. Nous arrivons au dernier chapitre du livre Ar-Risalatu al-Mughniyah fi as-Sukuti wal-Uzumi al-Buyut d'Ibn al-Banna rahimahullahu ta'ala. Et ce dernier chapitre s'intitule Al-Ishtighal bima yughni wa tarku al-khawd fi ma la ya'ni, le fait de se préoccuper de ce qui est suffisant, de ce qui est nécessaire, et de délaisser le fait d'entrer dans ce qui ne nous concerne pas, dans ce dans quoi on ne doit, ce à quoi on ne doit pas prêter attention ni accorder importance. Al-ishtighal bima yughni, le fait de se préoccuper, de dire, de faire ce dans quoi il y a une nécessité pour nous, un bénéfice pour nous, une réforme, un bien dans ce bas monde, dans l'au-delà. Celui qui met en pratique cela, qui accorde importance, qui travaille pour obtenir ce qui lui est nécessaire, utile et profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà, voici celui qui obtient la réussite, et voici celui qui obtient le bonheur dans ce bas monde, dans sa vie religieuse et mondaine, et dans l'au-delà pareillement. وَتَرْكُ الْخَوْضِ فِي مَا لَا يَعْنِي, et le fait de délaisser, le fait d'entrer dans ce qui ne le concerne pas. Ce qui ne nous concerne pas englobe plusieurs points, à commencer par Al-Muharramat, les choses interdites, que ce soit des paroles ou des actions, que ce soit des choses makruha, des choses détestables, que ce soit des choses mushtabihat, des choses équivoques. Tout cela entre dans ma yani al-insan, tout cela entre dans ce vers quoi l'homme ne doit pas accorder importance ni effort. Donc, dans ce titre, ou sous ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala nous appelle et nous encourage à une chose, tout comme il nous avertit et nous met en garde contre une autre. Il nous encourage à mettre nos efforts dans ce qui nous apporte le bien, et il nous avertit et nous met en garde contre les choses qui nous apportent le mal. Sous ce chapitre, il nous cite le hadith de Abi Huraira et dit rahimahullah an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi le bon islam de la personne, le fait qu'il délaisse ma la ya'ni. On va expliquer ce que ça signifie. On va expliquer ce que cela signifie. Fal islamu islamu al-mar' wa tatbiquhu lil islam yazid wa yanqus. Donc l'islam de la personne, ainsi que sa mise en pratique de l'islam, augmente et diminue, tout comme le iman de la personne et sa concrétisation de cela augmente et diminue. Et cela fait partie des points de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cela fait partie des points de la croyance des gens de la Sunnah et du groupe. Et les gens devant l'islam, pareillement devant l'iman, ne sont pas au même niveau. Ne sont pas au même niveau selon leur croyance, selon leur science, selon leur mise en pratique, et ainsi de suite. Tu trouves le musulman, ah oui, fort, tout comme tu trouves le musulman, da'if, faible. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien, et dans tous il y a du bien. Donc ici fait partie du bel islam, du bon islam de la personne, délaisser ma la ya'ni, ce qui ne le concerne pas. Et on expliquera ce que signifie ce qui ne le concerne pas, incha'Allah. Ici, on attire notre attention sur une chose. On nous dit fait partie du bel islam, et ensuite on cite un délaissement, n'est-ce pas? Donc, tout comme l'iman, l'islam se concrétise et augmente par la mise en pratique des bonnes actions, il augmente et se concrétise également par le délaissement des mauvaises actions. Est-ce que c'est compris? Il se concrétise et il augmente également par le délaissement des mauvaises actions. Ainsi, celui qui délaisse pour Allah Azza wa Jal des péchés, des mauvais comportements, des mauvais caractères, son islam augmente, se concrétise. Son iman augmente, se concrétise. Et il nous arrive d'être distrait de ce deuxième point. On fait beaucoup attention à la mise en pratique de la bonne action. On doit aussi accorder énormément d'importance au délaissement de quoi? De la mauvaise action, de la mauvaise chose, du mauvais comportement, de la mauvaise habitude. Ceci fait partie du bon islam de la personne. Et on trouve dans un hadith qu'on a déjà mentionné: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Naam, on a déjà plusieurs fois mentionné le hadith de Abi Huraira radiallahu an, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Le fornicateur ne fornique pas alors qu'il est croyant. Le voleur ne vole pas alors qu'il est croyant. Celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant alors qu'il boit de l'alcool, et ainsi de suite. Tous ces gens-là, de par ce péché, leur foi a diminué. Leur foi a diminué. Ils sont sortis de la perfection du iman obligatoire. Et ils sont tombés dans le fisq. Ils sont tombés dans la perversion. Est-ce qu'ils sont sortis de la foi entièrement au point de devenir mécréants? Non. Non. Mais ils ne méritent plus l'appellation du croyant dans le sens de celui qui a complété sa foi. El-Iman, El-Mutlaq. Non. Mais on ajoutera, après avoir dit que c'est un croyant, on dira qu'il est faible. Mu'min, naqisul iman. Ou bien on dira muslim, ou bien on dira musulman, ou bien on dira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. On dira que c'est un croyant de par sa foi, mais c'est un pervers de par son grand péché. Ou bien on l'appellera le simple musulman, mais on ne dira pas le croyant de manière absolue, dans le sens où il a une foi forte ou complète. À cause de quoi? Du fait qu'il n'a pas délaissé cette grave action. Donc le chapitre de la mise en pratique est très important. Mais le chapitre du délaissement des péchés, l'est également. Donc, mi musamma al-iman, Tarkul muharramat, entre dans les points de la foi et l'appellation de la foi, le fait de délaisser les péchés et les désobéissances, tout comme entre dans cela, fi'lu et ta'at, la mise en pratique des obéissances, de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Venons maintenant à l'explication de ma la ya'ni. C'est un point important. Ce qui ne le concerne pas, retenez que ça englobe. Al-aqwal wal-af'al, ça englobe les paroles, tout comme ça englobe les actions. Ça englobe premièrement al-muharramat, les péchés, les choses interdites. Deuxièmement, al-makruhat, les choses détestables. Les choses détestables. Ça englobe également al-mujtabihat, les choses équivoques, c'est-à-dire douteuses, dans lesquelles beaucoup de personnes ne distinguent pas entre le caractère licite de cette chose et son caractère illicite. Naam. Car d'un certain point de vue, ça, il nous apparaît que c'est licite, mais d'autres points de vue, il nous apparaît que c'est illicite. On appelle cela al-mujtabihat. Quant aux gens de science, eux, en revenant à eux, ça deviendra clair et non plus mujtabi, équivoque. Entre dans cela, fudul al-mubahat, le surplus de choses licites. C'est-à-dire que ce sont des choses licites à la base, mais lui en abuse. Naam, lui en abuse et commet des excès dans ces choses qui, à la base, sont licites. Ces choses-là ne te concernent pas. Tu n'en as pas besoin. Ces choses-là, tu n'as pas à y accorder d'importance, à leur accorder de l'importance, ni à faire des efforts pour les atteindre, ni passer ton temps dedans. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui a son célèbre charh de Al-Arba'in Al-Nawawiyya, et il nous explique dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, donc il a expliqué ces hadiths et d'autres, il nous dit concernant celui-ci, ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعني. Donc Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit le sens de ce hadith est que celui dont l'islam est bon délaisse ce qui ne le concerne pas comme parole et action. Min qawlin wa fi'l. Waqtasara ala ma ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Il se contente de ce qui le concerne comme parole et acte. Wa ma'na ya'ni annahu tata'allaq. Et le sens de ce qui le concerne, c'est-à-dire تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. Le sens de ce qui le regarde, c'est-à-dire que ça le concerne et qu'il doit y prêter attention et se pencher sur cette chose. Il doit la rechercher et chercher à la voir. Wal-inaya shiddatu l'ihtimami bishay. Et le sens de l'inaya, c'est le fait d'accorder beaucoup d'importance à la chose, dans le sens de beaucoup se pencher sur cette chose. Donc on dit, fait partie du bon islam le fait de ne pas se pencher avec effort sur ce qui ne nous concerne pas. C'est ça le sens. Naam. وَلَيْسَ الْمُرَادِ أَنَّهُ يَتْرُكُ مَا لَا عِنَايَةَ لَهُ بِهِ وَلَا إِرَادَةَ بِحُكْمِ الْهَوَى. Ici, il attire notre attention sur une chose très importante. Ça doit être fait selon les textes religieux, pas selon la volonté personnelle de l'homme en rapport avec ses passions. Il dit par exemple la prière du Isha, naam, moi j'y accorde pas beaucoup d'importance. Et fait partie du bon islam de ne pas s'occuper de ce à quoi on n'accorde pas beaucoup d'importance. Alors je délaisse. Ou quelqu'un vient le conseiller et lui dit ne fais pas tel péché parce qu'Allah a dit, parce que le prophète sallam a dit. Il répond à la personne min husni islam il mar tarku ma la'ani. En gros, ça ne te regarde pas. C'est pas ça le sens. Naam, ça n'est pas ça le sens. Mais c'est ce qui, religieusement parlant, mérite que tu n'accordes, que tu ne te penches pas vers cette chose-là. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Le but, le sens n'est pas que tu dois délaisser ce à quoi toi tu n'accordes pas importance selon ta volonté et selon le jugement des passions. Et ce que réclame l'âme de la personne, non. Mais c'est plutôt le jugement religieux qui prévaut et de l'islam. Et de l'islam. Après la citation, Cheikh Abdelrazzaq, Hafidhahullah Ta'ala, dit Hadha tanbihun muhim. Il nous dit ceci est une remarque très importante. Ceci est une remarque très importante. Naam, car certaines personnes sont distraites de ce point-là. Et là, ils comprennent mal ce hadith, donc l'utilisent mal. Lorsqu'ils sont conseillés, ils répondent à la personne min husni islam il mar tarku mala ya'ni. Ils pensent que le sens du hadith est ya'ni englobe cela. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur parce que fait partie des choses dans lesquelles il doit accorder, auxquelles il doit accorder importance, que de prodiguer le conseil sincère, que de conseiller ses frères, que de les inviter au convenable, de les blâmer devant les mauvaises choses. Ça fait partie de ce à quoi il doit accorder importance. Naam. Les savants ont longuement discuté quant à ce hadith. On passe au texte suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. Selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ayant le plus de péchés sont ceux qui parlent le plus dans ce qui ne les concerne pas. Les gens ayant le plus de péchés sont ceux qui parlent le plus dans ce qui ne les concerne pas. Ce hadith est da'if, il est faible. Naam. De par la présence de certaines personnes dont le hadith n'est pas, dont la parole n'est pas acceptée, comme Asim ibn Taliq ou bien Tulayq. Naam, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, Majhoul, Munkarul Hadith, ibn Ma'in, a dit, Laysa bi shay. Naam, pour accepter un hadith, pour accepter la parole d'une personne, il y a des conditions. Que dire alors si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a plusieurs conditions. Parmi ces conditions, que la personne soit digne de confiance dans sa droiture et dans sa mémorisation. Dans sa droiture et dans sa mémorisation. Aussi, il faut que la chaîne de transmission soit liée. Il ne faut pas qu'il y ait une interruption. C'est-à-dire que la personne qui prétend avoir entendu d'une autre personne puisse s'être rencontrée. Naam. Par exemple, si ils ne sont pas de la même génération et qu'il y a des siècles entre les deux, on sait que c'est impossible. N'est-ce pas? On sait qu'un tel n'a pas pu rencontrer un tel. Wadih. Ce hadith, on ne pourra pas l'accepter. On ne pourra pas l'accepter. Et il ne suffit pas de ne rien connaître de mal sur la personne. Il faut connaître le bien d'elle. Est-ce que c'est compris? Il ne suffit pas de dire on ne connaît rien de mal de cette personne, donc on prend de lui la science et le bien. Non. Il faut plus que ça, de par là, le caractère sacré de cette religion. Il faut plus que ça, ça ne suffit pas. Non. À la base, on dit qu'il est innocent de mal. Mais pas qu'il est bon et qu'il est juste et qu'il mémorise et qu'il est droit et que... On ne sait pas cela. L'islam, c'est le juste milieu. Donc, pour prendre de lui, il faut qu'on ait la science, la connaissance, non, de sa religiosité, de sa droiture, de sa mémorisation, de sa véracité. Il nous faut cela. Et ça, ça attire notre attention sur le fait de... Yani, de qui on prend la science. Et devant qui on a le droit et non, on n'a pas le droit de s'asseoir. La personne qu'on ne connaît pas, on ne prend pas les informations d'elle. À défaut de prendre la... À plus forte raison, on ne prend pas notre religion, notre science d'elle. Non. Que dire alors si yani, la personne est connue pour du mal, comme Al-Kadhib, par exemple, comme le mensonge. Naam. Hakada. Et il faut prouver. Naam. La chose. Il faut, quand on l'affirme, naam, quand on l'affirme, il faut que ce soit basé sur une science. Il faut que ce soit basé sur une science. Hakada. Ala kulli hal. La parole est أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. Bien que le hadith soit daif, Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidahullah Ta'ala, nous dit de nombreux textes, na'am, il nous dit les textes indiquent cela. C'est-à-dire que la plupart des péchés sont dus à la langue. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ماذا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre eux, ses deux mâchoires et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. On nous montre dans d'autres hadiths que la plupart des gens qui entrent en enfer, c'est à cause de quoi? De ce qu'il y a entre leurs mâchoires et leurs jambes. Et on a déjà mentionné le hadith إذا أصبح ابن آدم كل أعضائه تكفر اللسان. Lorsque le fils de Adam arrive au matin, tous ses membres s'adressent à sa langue. Je ne sais pas comment traduire. تكفر اللسان. Et ils lui disent اتق الله فإنما نحن بك. Crains Allah car nous sommes sous toi. فإن استقمت استقمنا. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Et si tu si tu t'égares, nous nous égarerons également. Naam, al-i'wijaj, c'est le contraire de la droiture. Naam, c'est le contraire de la droiture. Donc tous ces textes nous montrent que en effet, les madha, les péchés de la langue sont très nombreux. Et Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidahullah Ta'ala, nous dit « Aktharu al-dhunub tantaliqu an al-lisan » ou bien « min al-lisan ». La plupart des péchés ont pour base ou partent de quoi? De la langue. De la langue. Et il ajoute « ma la ya'ni » ce qui ne le concerne pas. Il dit comme « an-namima ». « An-namima » c'est le colportage. C'est le fait d'écouter des paroles d'un groupe, puis d'aller les répéter à un autre, à la wajil ifsad, pour pervertir leur relation et allumer le feu entre eux. Al-sukhriya, c'est la moquerie. C'est le fait de se moquer. Al-kadhib, al-kadhib, c'est le mensonge. C'est l'ikhbar bima yukhalifu al-waqi'. C'est de dire une information qui n'est pas en adéquation avec la réalité des faits. Naam, qui n'est pas en adéquation avec la réalité des faits. Al-istihza, c'est le fait de se moquer d'une personne. Puis il dit de manière plus générale, al-aqwal al-batila, toute mauvaise parole, toute parole mauvaise. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, man kathura kalamu, kathura saqatu, celui qui parle beaucoup commettra beaucoup d'erreurs. Wa man kathura saqatu, kathura dhunubu, et celui qui commet beaucoup d'erreurs commettra ou aura beaucoup de péchés. وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Et celui qui a beaucoup de péchés, na'am, le feu est plus à même de l'accueillir, ou bien il est plus à même d'entrer au feu. À la kulli hal, tout ça nous appelle à surveiller, à faire attention à notre langue. Le texte suivant, عن عون أن امرأة قالت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة فأوريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين مالا يضرك. عون dit qu'une femme, rahmatullah alayhim, a dit قد أوجبت. Cheikh Abd al-Razak, hafidhahullah ta'ala, dit le sens, wallahu a'lam, أوجب, يعني وجبت لها الجنة. يعني elle a dit, cela me revient de droit. Cheikh Abd al-Razak explique, il dit Allahu A'lam, probablement que le sens est me revient de droit le paradis, ou bien Naja, j'ai réussi. Na'am, j'ai réussi, je serai au paradis. Puis elle a cité la cause. Elle dit, j'ai certes prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai pas commis de péché. Pardon, je n'ai pas commis de grand péché. C'est-à-dire qu'elle a ce grand fadl, ce grand mérite, et qu'après cela, depuis, elle ne commettait, c'était pas une femme qui commettait de grands péchés. Et dans l'allégeance, il y avait le fait de ne pas commettre ash-shirk, na'am, ni le meurtre, ni zina, ni la fornication, na'am, ni assassiner ses enfants, et ainsi de suite. Puis elle dit, je n'ai pas commis de grand péché. Durant son sommeil, elle a vu une chose. Quelle est cette chose? Il lui fut dit, ô une telle, tu es celle qui a dit ceci et cela. Est-ce toi qui as dit ceci et cela, yani les péchés de la langue? Est-ce toi qui parlais dans ceux qui ne la regardaient pas? Est-ce toi qui empêchais de donner de l'argent alors que ça ne te nuisait pas? C'est-à-dire que durant son sommeil, elle a eu ce rappel et cet avertissement. Elle a eu ce rappel et cet avertissement. Al-Ru'ya, la vision durant le rêve, elle vient soit l'il-bishara, soit l'in-nidara. Elle vient soit en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles, soit en tant qu'avertisseur. Est-ce que c'est compris? Annonciateur de bonnes nouvelles, quoi par exemple? Naam. Par exemple, il se voit dans son rêve au paradis. Par exemple, il s'est repenti de péché, a amélioré son comportement, il vient à la mosquée, et il dort. Durant son rêve, il voit quoi? Il voit le paradis. Il voit qu'il est entré au paradis, il voit qu'il a réussi son jugement et ainsi de suite. Lorsqu'il va se réveiller, na'am, sans aucun doute, ça va le réjouir. Na'am, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Et annonciateur de mauvaises nouvelles, c'est à l'image de l'homme, par exemple, qui commet des péchés et qui faiblit dans sa préservation de sa prière ou bien sa piété envers ses parents. Et durant son sommeil, na'am, il voit par exemple son jugement et il voit que les gens entrent au paradis par le bon comportement envers leurs parents et il voit que lui, on le bloque à cause de son mauvais comportement. Est-ce que c'est compris? Et ça va être un avertissement pour lui. Ça va être un avertissement pour lui. Ou bien il commet des péchés, puis il voit, yani, une vision où il voit des mauvaises choses qui l'attendent dans son futur. Tout cela, naam, reste des rêves en effet. Mais ça peut être annonciateur de bonnes nouvelles, ça l'encourage, ça le motive. Ça peut être un avertissement, ça mada le rappelle à l'ordre. Ça fait en sorte qu'il sort de son insouciance. Ça fait en sorte qu'il sort de son insouciance. Mais là, il y a une chose importante qui doit attirer notre attention, c'est qu'on ne base pas de règles religieuses, on ne tire pas de règles religieuses du rêve. N'est-ce pas? On ne peut pas faire un rêve et en tirer des règles religieuses et légiférer dans la religion d'Allah Azzawajal. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient: Al-ru'ya tasurru al-mu'min wa la tarurru. La bonne vision, le bon rêve réjouit le croyant, mais elle ne le trompe pas. Mais il ne le trompe pas. Naam, il ne le trompe pas. Tout ça pour dire que les défauts de la langue sont très dangereux. Même si la personne, l'homme ou la femme, préserve la salat, lit le Coran, a un bon comportement envers ses parents, mada fait des jeûnes non obligatoires en plus, et des pèlerinages non obligatoires en plus, mais qu'elle ne préserve pas sa langue, elle est dans un danger qui est très grave. Elle est en danger dans son bas-monde, dans sa tombe et dans son au-delà. Et il ne faut donc pas minimiser les défauts et les péchés de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fut dit: Ô messager d'Allah, une telle, elle se lève et prie la nuit. Et elle jeûne, c'est-à-dire en plus des prières obligatoires, en plus du jeûne obligatoire, elle rajoute des prières recommandées, la meilleure prière recommandée, Qiyamul Layl, la prière de nuit. Naam. Et elle ajoute des jeûnes recommandés, non obligatoires. Quant au terme surérogatoire, que j'utilisais auparavant, il n'est pas bon de le dire car ça fait référence aux choses desquelles nous n'avons pas besoin. Naam. Des choses en plus desquelles nous n'avons pas besoin. Or, les actions recommandées, on ne peut les qualifier ainsi. Ce sont des adorations. On en a grandement besoin. Par cela, la personne reçoit l'amour d'Allah. Par cela, la personne complète ses actions, yani ses actes obligatoires et mal-qiyama, et évite l'enfer. Et ainsi de suite, comme c'est venu dans des hadiths. Donc, on ne dit pas surérogatoire. Cette femme prie la nuit, jeûne le jour, et elle fait des aumônes. Naam, elle dépense. Walakin tu'dhi jara ou jaraha. Mais elle nuit à ses voisins ou à ses voisines bilisaniha avec sa langue. Vous avez entendu ces actions? C'est une personne qui prie la nuit, qui jeûne le jour, qui fait des sadaqat. Et en apparence, c'est un exemple, cette femme. Le prophète, alayhi salam, quand on lui a dit, mais elle nuit à son voisinage avec sa langue, elle nuit à ses voisines avec sa langue, qala hiya finnar, hiya min ahlin nar. Il a dit, elle fait partie des habitants de l'enfer. Subhanallah. Elle fait partie des habitants de l'enfer. Puis on lui a cité une autre personne, une âme, qui se contentait de faire les actions obligatoires, mais ne nuisait à personne avec sa langue. Le prophète, alayhi salam, a dit, hiya min ahlil jannah. Elle fait partie des habitants du paradis. Elle fait partie des habitants du paradis. Donc il ne faut pas minimiser cette langue. Il ne faut pas minimiser cette langue. Il ne faut pas se dire, oui, mais moi, de toute façon, j'étudie et j'assiste au cours, naam, et je lis le Coran et je mémorise telle et telle sourate, naam, et j'ai acheté ça à mes parents et je fais ça. Non. Ça ne suffit pas de faire le bien, il faut aussi délaisser le mal. Il faut aussi délaisser le mal. Le texte suivant cité par l'auteur. Haddathana Hajjaj ibn Nusayr qala Isa ibn Maryam alayhi salam khatama al-malak الخير في ثلاث، في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو له، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من نظر في غير عبرة فهو له. الحجاج بن نصير دي عيسى بن مريم عليه السلام أدي donc un homme parmi les anciens dit Isa ibn Maryam a dit combien de générations il y a entre cet homme et Isa ibn Maryam. Naam, donc on n'accepte pas yani ce texte, bien évidemment on n'accepte pas ce texte. À la kulli hal, on nous rapporte où il fut dit qu'il a dit que le bien yani que le en gros, le sens, c'est que le bien est dans trois choses. La façon de s'exprimer, le fait d'observer le silence, et un nazar. Yani, le fait de méditer, peut-être on peut traduire ainsi. Puis il dit, celui qui parle sans dhikr, sans le rappel d'Allah, sans la mention d'Allah et de ce qui nous rapproche de lui, ceci yani, est une action, comment est-ce qu'on va traduire Allahu, une chose futile, ou bien inutile. Quant au silence, sans méditation, ceci est une erreur, une insouciance, une distraction. Et la personne qui regarde sans tirer des leçons, pareillement. Tout ça pour dire que la Perse, ici, à Shahid, c'est pourquoi l'auteur a cité ce texte. C'est que parmi les choses dans lesquelles il y a du bien, c'est le fait d'observer le silence et de faire travailler sa raison. Le fait d'observer le silence et de faire travailler sa raison. Ici, on attire notre attention sur un point. C'est que celui qui n'occupe pas sa langue par le bien, elle l'occupera par le mal. Car la langue a été créée et elle parle. Donc, dans tous les cas, elle va s'exprimer. Celui qui ne l'occupe pas par le bien, elle l'occupera forcément par le mal. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans le Wabil nous dit Inna fil ishtirali bi dhikri ishtiralun ani. Ani al-kalam al-batil. من الغيبة واللهو ومدح الناس وذم الناس. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il y a dans le fait d'occuper son temps par le dhikr un détournement des mauvaises paroles. Et si tu es occupé à dire du bien, à faire du dhikr, ben tu seras préoccupé de dire et yani, tu seras détourné de dire de mauvaises paroles, comme la médisance. El riba, c'est quoi? Dhikruka akhak bima yakrah. C'est le fait de mentionner ton frère en disant des choses qu'il détesterait. C'est-à-dire en son absence. S'il avait été présent, cela lui aurait été détestable. Ça, c'est el riba. Même si c'est minime à tes yeux. Même si c'est minime à tes yeux. Par exemple, de dire, lui, il fait que de rire. Ou bien lui, il aime trop dormir. Ou lui, il est feignant. Il y a des paroles qui ne sont pas graves en soi. Mais chez Allah Azza wa Jal, Allahu A'lam, leur gravité. Naam. Donc il faut faire attention. Il dit même le fait de faire les éloges des gens ou de les blâmer. Il fait entrer le fait de faire les éloges des gens. Si c'est sans être en droit de le faire, ou s'il y a de l'exagération, ou bien si c'est en face à la base, tout cela c'est un mal. Tout cela est un mal. Et comme le disaient les pieux, les anciens, l'éloge d'une personne ne m'élève pas auprès d'Allah et ne m'ajoute rien. Et le blâme d'une personne ne me diminue en rien ma place chez Allah, ni m'enlève quelque chose. Ça, c'est pour celui qui est véridique. Par contre, s'il est critiqué en droit de l'être, naam, bien sûr que ça affecte. Puis il nous dit, فَإِنَّ اللِّسَانَ لَا سُكُتُ الْبَتَّ. La langue, elle ne saurait être inactive, yani ne pas parler. فَإِمَّا لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَإِمَّا لِسَانٌ لَاغٌ. La langue, elle est forcément active, elle parle tout le temps. Soit c'est une langue évocatrice, si ça se dit, qui fait du dhikr, soit c'est une langue qui est insouciante. فَهِيَ النَّفْسِ إِلْ لَمْ تَجْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. C'est ainsi que l'âme, si tu ne l'occupes pas par le bien, elle t'occupera par le mal. وَهُوَ الْقَلْبِ إِلْ لَمْ تَسْكُنْ تُسَكِّنْ تُسْكِنْ إِلْ لَمْ تُسْكِنْهُ مَعِيَّةَ اللَّهِ سَكَنَتْ مَحَبَّةَ أَوْ مَحَبَّةُ سَكَنَتْ مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا بُدْتُ. Puis il dit, et voici le cœur, si tu n'y fais pas habiter le fait d'être avec Allah, ou plutôt c'est peut-être mahabbat Allah, l'amour d'Allah, naam, probablement que c'est plutôt ça, l'amour d'Allah, alors ton cœur fera habiter l'amour des créatures. Soit tu fais habiter dans ton cœur l'amour d'Allah, soit ton cœur fera habiter en lui l'amour des créatures. Et ceci, yani, est inéluctable, c'est forcément ainsi. Wa huwa al-lisan illam tushghilhu bi-dhikr shaghalaka billahu. Et c'est la langue, si tu ne l'occupes pas par l'évocation, elle t'occupera par la distraction. وَمَا هُوَ عَلَيْكِ. Et ce qui sera contre toi, وَلَا بُدْتُ. Et c'est forcément ainsi. فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ إِحْدَى الْخِطَّتَيْنِ وَأَنْزِلْهَا فِي إِحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ. Il te dit, donc maintenant, en gros, fais ton choix. Choisis pour ton âme l'un de ces deux chemins et accorde-lui l'une de ces deux places. Naam. Ce genre de texte, les savants les mentionnent dans leurs livres, pas pour les prendre en base et sortir des règles religieuses, mais après avoir cité les textes du Coran, de la Sunna, acceptés authentiques, naam, ils se permettent parfois de citer en plus ce genre de texte pour, à titre d'exhortation, ou bien parce qu'il y a une sagesse, wahakada, dont la base est déjà dans les textes acceptés. Naam. Puis il nous cite et dit Haddathana Sufyan ibn Uyayna. قال زيد ابن علي لابنه. سفيان ابن عيينة رحمه الله nous dit, زيد ابن علي a dit à son fils, écoutez ces belles recommandations, يا بني, oh mon fils, اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك ودركا لما يعنيك واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. Il dit à son fils, ô mon fils, recherche ce qui t'est profitable, ce qui te concerne, par le délaissement de ce qui ne te concerne pas. Recherche ce qui te concerne par le délaissement, en délaissant ce qui ne te concerne pas. Car certes, en délaissant ce qui ne te concerne pas, tu atteindras ce qui te concerne. Et sache que tu avances vers ce que tu as avancé toi-même. Et tu n'avances pas vers ce que tu as retardé. Donne donc prévalence à ce que tu rencontreras demain sur ce que tu ne verras jamais. En gros, il dit à son fils, rahmatullahi alayhim, que la bonne voie est de se concentrer sur ce qui nous regarde, nous. Et une des choses qui nous aide à nous concentrer sur ce qui nous regarde, nous, à atteindre et développer ce qui nous regarde, nous, c'est justement le fait de délaisser, de ne pas accorder d'importance ni d'effort à ceux qui ne nous regardent pas. En gros, comment réussir à concrétiser le but en délaissant ce qui va à l'encontre du but. En délaissant ce qui va à l'encontre du but. Donc ça, c'est une chose à noter. C'est que la bonne voie est de délaisser ce qui nous ne concerne pas pour que ça nous aide à nous concentrer sur ce qui nous regarde. Et aussi, on tire une autre chose, c'est que celui qui se concentre sur ce qui ne le regarde pas aura forcément des lacunes dans ce qui le concerne en réalité. Il ne pourra pas bien faire ce qui lui avait été commandé. Naam. Puis il lui dit, et sache que tu t'avances vers ce que tu as avancé toi-même. Yawm al-qiyamah, ce que tu vas trouver, naam, c'est ce que tu as fait dans ce bas monde. Et tu ne t'avances pas vers ce que tu as retardé. Yani yawm al-qiyamah, ce que tu as avancé comme prière, comme tawhid, comme aqida, comme ilm, comme talb ilm, comme assise de science, comme recommander le bien, blâmer le mal, naam, comme prière, comme jeûne, comme hajj et autres. Ce que tu as fait, c'est ça que tu as avancé, c'est ça que tu vas trouver demain, n'est-ce pas? Et il lui dit, et tu ne t'avances pas vers ce que tu as retardé. L'argent que tu n'as pas dépensé, fi sabilillah, et que tu as gardé, que tu as fructifié, mais tu as gardé, tu ne l'as pas avancé, tu l'as reculé, tu l'as retardé, tu l'as gardé. Il lui dit, tu ne t'avances pas vers ça. N'est-ce pas? Ce que tu as construit, mais tu n'as pas donné une part à Allah, pour Allah Azza wa Jal. Cette chose-là, tu l'as retardé, tu ne l'as pas avancé, tu ne la trouveras pas demain. Naam. Qu'est-ce qui suit le fils de Adam lorsqu'il meurt? Qu'est-ce qui le suit? Trois choses, n'est-ce pas? Quelles sont-elles? Quelles sont ces trois choses? Ses actions, ses biens et sa famille. Deux reviennent et une reste avec lui. Quelles sont les choses qui reviennent? Sa famille et ses biens. Ses biens, c'est ce qu'il a akhar. C'est ce qu'il a laissé ici. C'est ce qu'il a laissé ici. Ses actions sont et Annie, c'est son compagnon dans sa tombe. Puis, Yawm al-Qiyamah, c'est ce qu'il a avancé. Que chacun avance ce qu'il aimerait trouver donc demain. Que chacun avance ce qu'il aimerait trouver demain. Car ce qu'il n'a pas avancé, il ne le trouvera pas demain. Il ne le trouvera pas demain. Il lui dit donc, fais le bon choix. Concentre-toi, préfère Naam, ce que tu vas retrouver demain. Elle y donne plus d'importance à la préparation de ton au-delà. Et ça, c'est un ordre d'Allah, Azza wa Jal. Allah, Azza wa Jal, nous ordonne de nous préparer pour demain. Il nous ordonne de prendre nos provisions. Naam. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Et prenez vos provisions. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. Faire ce qu'Allah t'a commandé en espérant ça. Madha, la récompense. Et délaisser ce qu'Allah t'a proscrit en redoutant la menace ou la sanction. ou sa punition, on va dire. Hakada. Wafi ma'ana, il dit dans le même sens, irtanim fil farari fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautuka bagta. Il reste une page, on finira après Salat, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Salatu wassalamu ala Rasulillahi al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahirin, amma ba'd. Wa fi ma'an, qala al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi ma'ana, اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفس الصحيحة فلتة ici l'auteur رحمه الله تعالى mentionne ces vers afin d'attirer notre attention sur la préservation du temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet effet nous dit « Ni'matan marbun fihima kathirun minan nas as-siha wal farar » Il y a deux bienfaits, beaucoup parmi les gens n'utilisent pas à bon escient, qu'ils perdent sans remarquer le trésor qu'ils perdent, sans se soucier de ce trésor qui passe. Quelles sont ces deux choses? As-sihhatu wal-farar, la santé et le temps libre. Donc il nous dit irtanim fil farar fadla ruku'in fa'asa yakuna mawtuka bagta. Il nous enjoint de préserver notre temps libre, car il se peut que la mort vienne subitement. Et fil waqi', yani dans ce qu'on a pu voir nous-mêmes, il nous dit: et combien de personnes en bonne santé as-tu vu décéder alors qu'elles ne se plaignaient pas de maladie ou de douleur ou autre? Kam sahihin ra'ayta min ghayri suqmin dhahabat nafsu sahihatu falta. Tu vois combien de personnes as-tu vu en bonne santé qui subitement sont décédées? Et ça, c'est une chose de laquelle on a témoigné à de nombreuses reprises. Tu poses la question, tu dis: est-ce que la personne était souffrante? Est-ce qu'elle avait une maladie? Ou bien ton réflexe premier est de dire: elle était malade, elle avait. Non, par moment, certes, oui. Et par moment, tout simplement dans son sommeil, elle est décédée. On a même déjà vu des couples décédés ensemble. Subhanallah. L'homme et la femme, ensemble, ils se couchent et ils ne se réveillent pas. Donc certes, la mort, elle peut venir subitement. Naam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Donc ça, c'est une certitude. À partir du moment où on a cette certitude, on doit œuvrer, on doit se préparer. Et s'attendre à la mort à tout moment. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs étaient prêts pour ce moment-là. À un point où ils ont dit de certains, j'ai oublié si c'est Hamad ibn Salama ou autre, لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما وجد عملا يزيد. Si on avait dit à un tel, un des pieux prédécesseurs, tu mourras demain, il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. C'est-à-dire qu'il était au maximum à chaque fois. Il se préparait pour ce jour à chaque fois. Naam. Et on trouve dans les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de Abdullah ibn Omar, lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives le soir, n'attends pas le matin. Et prends de ton temps libre pour le temps dans lequel tu seras occupé et de ta bonne santé pour le moment où tu seras malade. À la kulli hal, le temps, il faut le préserver et il faut madha l'occuper dans le bien. Wa anshada akhar i'mal wa anta min ad-dunya ala hadarin wa 'alam bi annaka ba'da al-maut mab'uth. واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث موروث. Il lui dit, agis tout en faisant attention à la dunya, en étant sur tes gardes concernant la dunya. Et sache que après la mort, tu seras ressuscité. Et sache que ce que tu as avancé comme action est enregistré pour toi. Quant à ce que tu as uni, c'est-à-dire des choses de la dunya, ça entrera dans l'héritage des autres. Ce que tu as réuni, c'est pour les autres. Ce que tu laisses ici, tes héritiers. Donc, ici, dans ce poème, il nous encourage à l'action, à agir, à être actif. Que ce soit pour être din, comme c'est la base, mais aussi pour être dunya. Mais il te dit, wa anta min ad-dunya ala hadar. Tu dois faire attention à la dunya. Yani, travaille pour ton au-delà, prépare tes provisions et sois sur tes gardes devant la dunya. Cette dunya dont nous avons tous besoin. Cette dunya que nous recherchons tous. Mais, yani on ne te dit pas, c'est haram dans le dîn de prendre cette dunya, mais on te dit, sois sur tes gardes. Et on te donne des règles pour qu'elles ne te nuisent pas. Ensuite, il dit, وَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَبْعُوثُ. Et sache qu'après la mort, tu seras ressuscité. Et sache qu'après la mort, tu seras ressuscité. Et ce que tu as avancé comme action est enregistré pour toi. Et que ce que tu as réuni, donc comme chose de dunya, tu le laisses à tes héritiers. Tayyib, la personne doit travailler, doit forcément chercher sa subsistance pour sa propre personne, puis lorsqu'elle se marie pour son épouse, lorsqu'elle a des enfants pour sa famille, ses parents, wahakada. Mais, tout en sachant qu'il lui faut absolument chercher sa subsistance, il doit avoir des règles. Il doit avoir des fondements qu'il se met comme ligne de conduite dans la recherche de madha, de sa subsistance. La première règle, la takun ad-dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi, que la dunya ne soit pas son but ultime et la chose qui a le plus d'importance pour lui et la seule chose dans laquelle il a de la science. La première chose, il ne doit pas faire de cette dunya un but. Et que toutes ses connaissances soit résumé à quoi? Aux choses de dunya. Comme ceux qui n'ont pas, comme ceux qui ne préparent pas leur au-delà. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Ils connaissent quoi? Connaissent que, yani, les choses de dunya. Si tu parles avec lui dans certains domaines de dunya, tu ne trouves pas plus savant que lui à ta connaissance. Et si tu parles avec lui sur des questions basiques de tawhid, il ne connaît rien à cela. Si tu parles avec lui sur les courtes sourates de Juz Amma, il n'a aucune connaissance. Si tu parles avec lui de Sourate al-Fatiha, il n'a aucune connaissance des sens, des mots de Sourate al-Fatiha. Or, peut-être qu'il a tel et tel diplôme, na'am, et qu'il a fait telle et telle étude. Pourquoi? Pour être dunya seulement. Sa science, elle s'arrête à la dunya. Son but premier, c'est dunya. Et depuis tout petit, il est élevé, on lui dit, qu'est-ce que tu feras plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard? Quel travail tu veux faire plus tard? Naam. C'est ce qui coule dans ses veines depuis tout petit. Lui, il est pour la dunya. Il travaille pour la dunya, il a trouvé être dunya. Donc, ça, c'est la première base. Ça ne doit pas être ton but premier. Et ta science ne doit pas être résumée à cela. La deuxième base, addi haqq Allah. Al-wajib. Si tu as de l'argent et que tu Allah t'a facilité, acquitte-toi du droit de cet argent selon ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, c'est-à-dire la zakat, et entretenir tes parents, s'ils sont dans le besoin, femmes et enfants, ou proches, de manière plus générale. Ça, c'est la deuxième base. C'est-à-dire que tu recherches de la dunya, ça t'élise, yani de manière licite, une fois que tu as cette dunya dans ta main ou dans ta poche, acquitte-toi du droit de cet argent en sortant la zakat, par exemple. Certaines personnes, subhanallah, Allah Azza wa Jalla les enrichit. Puis ils deviennent ingrats, ils ne sortent pas la zakat. 2,5% de ce qu'ils possèdent, ils le retiennent et ne le donnent pas. A'ouzoubillah. A'ouzoubillah. Une somme suffisante pour être utile et profitable aux pauvres, mais pas trop conséquente pour pas lui être lourd sur sa propre personne qui aime l'argent, comme Allah Azza wa Jalla a décrit na'am, les gens dans le Coran, qu'ils aiment l'argent. La troisième base, la tusrif hadha al-mal fi ma yusqitullah. Ne dépense pas cet argent dans ce qui cause, dans ce qu'Allah déteste et ce qui cause la colère d'Allah. Ne dépense pas cet argent dans ce qu'Allah n'aime pas et dans ce qui cause la colère d'Allah. Et qui est pire que celui qu'Allah comble de ses bienfaits, puis il les utilise pour lui désobéir. Puis il les utilise pour lui désobéir. Donc ça, ce sont des points qu'on doit mettre comme base. Notre dîn, c'est ra'sul mal, c'est l'argent avec lequel on investit. Naam. Et le reste, c'est le bénéfice. Tu sacrifies jamais en tant que bon commerçant le fonds de commerce, la base investie et la base investie. Jamais. Si tu touches à quelque chose, tu diminues le bénéfice, mais tu ne prends pas de risque sur la base. Ben, ta base, toi, c'est ton dîme. Tu ne touches pas à ton dîme. Si tu touches quelque chose, c'est yani, ce qui sort de ça. Mais cette base, tu dois la préserver. Si tu dois faire un choix, tu sacrifies jamais ton dîme. Naam, ça va te rapporter plus d'argent, mais il faut que tu mentes. Ça va te rapporter plus d'argent, mais il faut que tu fasses un riba. Ça va te rapprocher plus d'argent, mais il faut que tu triches. Ou il faut que tu trahisses un tel. Ou bien il faut que tu ne tiennes pas ta parole. Ou bien. Non. Ta base, toi, c'est ton dîme. Tu ne touches pas à ton dîme pour de l'argent. Tu ne touches pas à ton dîme pour de l'argent. Tu te dis, oui, mais il faut que tu portes de l'alcool. Il faut que tu vendes du porc. Il faut que tu... Maza, il faut que tu enlèves ton hijab. Il faut que... Non, moi, ma base, ma richesse première, c'est mon dîme. Je ne vais pas sacrifier ma richesse première pour augmenter un peu mes bénéfices. Moi, c'est mon dîme, ma base. Donc ça, c'est des règles qu'on doit bien comprendre dans Maza al-Iktisab, dans le travail et la recherche de la subsistance. Et il nous dit donc que la personne est amenée à mourir, donc ressuscitée. Celui qui a cette connaissance, c'est-à-dire qu'il sait qu'après la mort, il va être ressuscité, ben il se prépare, il prend ses provisions. Et celui qui sait qu'il va être ressuscité, il doit savoir qu'il va être interrogé et jugé. Et celui qui sait qu'il va être interrogé et jugé, il prépare les réponses aux questions et les bonnes. Fahimtum? Celui qui sait qu'il va mourir, puis être ressuscité, il doit savoir qu'il va être interrogé, questionné, jugé, n'est-ce pas? Et celui qui sait qu'il va être interrogé, questionné, jugé, il doit préparer les réponses. Et les bonnes réponses. Et ça, c'est l'iman bil-yawm il-akhir, c'est le cinquième pilier de la foi au jour dernier. La résurrection, le jugement, puis le paradis ou l'enfer. Cette aqida, cette croyance, elle nous pousse au repentir, à délaisser les péchés, elle nous pousse à préparer notre au-delà en faisant aussi les bonnes actions. Wa billahi tawfiq. Puis l'auteur nous cite une autre parole. Wa anshada akhar, i'mal li alla tasqam, fa umruka al-yawma maghnam, fajud bihi la lahin. وسيد لا يطعم وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم بقرب رب جليل ومن خدم فسيخدم واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم من لم يقدم فعلا فسوف يوما يندم. Il dit agis pour ne pas tomber malade. Et ta vie aujourd'hui, le fait d'être encore en vie aujourd'hui, c'est un butin, c'est un trésor, c'est une occasion, on est pour œuvrer. Fais des efforts et ne sois pas insouciant ou distrait. Et peut-être que le sens soit Sayyidin la yat'am, yani tu es un maître qui ne mange pas. Wa in ra'ayta futuran, et si tu vois de toi de la paresse ou bien une faiblesse, dis-lui, dis à ton âme, dis à ta propre personne, que plus tard, ou plutôt qu'en agissant, tu prendras plaisir. Tu auras pour fruit le plaisir. En étant proche d'un Seigneur immense, et celui qui travaille, pour lui demain on travaillera. Celui qui se met au service ou qui travaille, pour lui demain on travaillera. C'est-à-dire que si tu avances les provisions, que tu crains Allah, que tu travailles dans ce bas monde, ben demain, yawm al-qiyama, quand tu vas rentrer au paradis, on sera à ton service. Au paradis, na'am, on sera à ton service. Comme ça nous est mentionné dans le Coran, al-Ghilman, na'am wal-hur ul-'ain et autres. Les femmes du paradis ou bien les servants et autres. Donc celui qui travaille dans ce bas monde, qui se soumet à Allah Azza wa Jalla, l'adore seul d'un culte sincère, il entrera au paradis et il sera dans les plaisirs et à son service, on sera. Et il finit en disant que celui qui n'avance pas d'action, demain ou bien viendra un jour où il regrettera. Tout cela pour dire de préserver son temps. Naam. Et comme le prophète sallam a dit, tanim khamsan qabla khams, utilise cinq choses avant cinq autres. Naam. Et parmi ces choses-là, ta vie avant ta mort, ta jeunesse avant ta vieillesse. Donc celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la vie, et particulièrement la jeunesse, qu'il l'utilise dans le bien, qu'il l'utilise pour apprendre, pour mémoriser, pour faire des efforts dans de la science utile, dans les actions pieuses, qu'il fasse des actions, qu'il prépare son au-delà. Qu'il prépare son au-delà. Et on doit savoir que le temps qui passe, il ne revient jamais. Chaque jour qui passe, sache que tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas revenir, n'est-ce pas? L'heure qui passe, tu ne peux pas la rattraper. L'heure que tu as perdue dans le péché, ou dans la distraction, ou bien dans l'insouciance, naam, ou à rien faire tout simplement, cette heure-là, elle ne peut pas revenir. Naam. Et il fut dit jadis que le temps, c'est de l'argent. Naam. Et les savants ont dit non, c'est meilleur que l'argent. Car l'argent que tu perds, tu peux le refaire. Amma, le temps, il ne revient jamais. Le temps, il ne revient jamais. Dans ce temps-là, tu peux adorer Allah. Tu peux te repentir, tu peux rentrer au paradis. Dans ce temps-là, tu peux délaisser le mal. Dans ce temps-là, tu peux réformer ce cœur, cette langue, ces membres. Wa hakada. Allah Azza wa Jalla a juré dans beaucoup d'endroits du Coran par le temps. Wal asr, wa shamsi wa duhaha, wa layl, et ainsi de suite. Donc le temps a la plus grande importance, on ne doit pas ma'adha en être distrait. Un homme a voulu questionner, peut-être Abu Ayyub al-Sikhtiyani ou un autre, rahmatullah alayhi. Il lui a dit, est-ce que tu peux t'arrêter une minute pour que je t'interroge? Il lui a dit, tara shams, lui a dit, tu vois le soleil? Arrête le soleil et je pourrais m'arrêter avec toi. C'est-à-dire, si tu peux arrêter le temps, na'am, je peux arrêter le temps, ben je peux m'arrêter avec toi. Sinon, on n'a pas le temps de s'arrêter. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Allah Azza wa Jalla dit à l'homme qu'il est continuellement en chemin jusqu'à le rencontrer. Subhanallah. Jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ce bas monde-là, c'est un mamar, c'est un couloir, c'est un lieu de passage. On doit prendre nos provisions pour la rencontre d'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Naam. Wattaqullah. Après, c'est quoi la suite? Inna Allah khabirun bima ta'malun. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Naam. Wala takunu kalladhina nasu Allah fa'ansahum anfusahum. Oulaka humul fasiqun. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a donc fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Les gens de l'enfer ne sont pas égaux aux gens du paradis. Ashabul jannah humul faizun. Les gens du paradis sont ceux qui obtiendront l'énorme réussite. Naam. Donc, il nous faut prendre nos provisions. Wallahul musta'an. حدثنا سليمان بن الربيع قال أعرابي طلبت الراحة لنفسي فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها من ترك ما لا يعنيها طلبت الراحة لنفسي. Un bédouin a dit: j'ai recherché le repos de ma personne et je n'ai rien vu qui lui apportait meilleur repos que de délaisser ce qui ne la concernait pas. De délaisser ce qui ne la concernait pas. Ça, c'est un kalam jamil. Ça, c'est une belle parole. La personne qui délaisse ce qui ne la concerne pas, elle vit tranquillement. Non, elle vit tranquillement. Loin des problèmes, loin des soucis. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: من علامة المقت إضاعة الوقت. Parmi les signes de ne d'être détesté chez Allah, le fait de perdre son temps. Le fait de perdre son temps. Naam. Celui qui n'utilise pas son temps dans le bien, c'est un signe qu'il n'est pas aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah al-musta'an. وكان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعني. الحسن البصري رحمه الله تعالى disait: parmi les signes qu'Allah s'éloigne ou se détourne de son serviteur, le fait que ce serviteur se préoccupe de ce qui ne le concerne pas. Un des signes qu'Allah Azza wa Jal se détourne de son serviteur, le fait que ce serviteur s'occupe de ce qui ne le regarde pas. De ce qui ne le regarde pas. Et on a cité la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wasallam nous dit: man yuridillahu bihi khayran faqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Les ulama ont dit: mafhoum hadha al hadith. On comprend, na'am, des sens de ce hadith, que à l'inverse, celui qui n'occupe pas son temps dans le bien pour apprendre son dîn, c'est un signe qu'Allah n'a pas voulu son bien. C'est un signe qu'Allah n'a pas voulu son bien. Donc que chacun d'entre nous regarde ce qu'il fait avec son temps. Pour qu'on sache notre place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ghayru: halakun nasi fi khislatayn, fuduli malin wa fuduli maqal. Un autre a dit: la perdition, l'anéantissement des gens se trouve dans deux caractéristiques. Le surplus d'argent et le surplus de paroles. Le surplus d'argent et le surplus de paroles. Et c'est également valable pour le surplus de regard. Naam. Et le surplus de ce qu'on écoute. Et le surplus de nourriture. Et ainsi de suite. La personne, elle doit prendre même ce qui lui est licite selon, yani, à juste mesure. À juste mesure. وقال شميط ابن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بوحشة بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. الله أكبر. شميط ابن عجلان dit: certes, Allah a mis dans ce bas monde un état de solitude afin que la noble compagnie soit trouvée par ceux qui lui obéissent. Naam, quand tu es dans ce bas-monde, tu vas ressentir un mal-être. Pourquoi? Pour que ce bien-être, cette noble compagnie, soit ressenti par ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, plus tu te diriges vers Allah, plus tu l'adores, plus tu te sentiras bien. Et plus tu te sentiras, tu ressentiras la bonne compagnie. Akhir risala, walhamdulillah, wa salawatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ali. Naam. C'est ainsi que s'achève cet écrit. Et on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. Alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Celui par la grâce duquel les bonnes actions se concrétisent. Naam. Nous sommes le Mada. La nuit du dimanche, Ma'adhan, la fin du mois de Rabi' al-Akhir, de l'année 1440. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis l'étude de cette épître. On lui demande de préserver nos langues de tout mal et de nous aider à l'utiliser dans tout bien. Tout comme on lui demande de nous préserver des fitanes, celles qui sont apparentes et cachées et qui causent l'anéantissement de la personne. Wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.